بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال 27 بعد 100 سمساتم كيستم. سئل الشيخ رحمه الله تعالى يقول: عندما يتبرج أصلا سيتتبرج بعض النساء الكفار في ديار المسلمين أو يعلمون أو يعملون أي عمل مخالف للمظهر العام للشريعة الإسلامية، يأتي بعض المسلمين ويقولون لا يجب أن تنكر عليهم ذلك، ويحتجون بالآثار ليس بعض الكفر ذنب، فهل احتجاجهم هذا صحيح بالإضافة إلى ما يترتب عليه؟ Donc il est interrogé à propos de femmes qui viendraient dans les pays d'islam et feraient preuve de dévergondage. D'accord ? Des femmes, parmi les femmes des koufars, qui viennent en pays d'islam avec leur dévergondage sur les plages, dans les rues et autres. Et qui feraient des choses qui s'opposent à l'apparence générale de la charia. Dans leurs vêtements, dans leur parler, dans leurs gestes et autres. Et ils disent, donc la question c'est que certains musulmans disent qu'il n'est pas obligatoire de réprimander ces femmes-là. Et ils ont comme preuve, comme argument, un hadith d'après eux qui dit qu'il n'y a pas de péché après la mécréance. C'est-à-dire que le mécréant, ses péchés ne comptent pas. Ce qu'il faut le blâmer pour sa mécréance, en fait. Donc il dit, est-ce que leur argumentation est authentique? Le fait de dire cela. فأجاب رحمه الله تعالى إذا أظهر الكفار في بلاد المسلمين ما يخالف شريعة الإسلام فإنه ينكر عليهم من أجل هذا يخالف الشريعة الإسلامية وكل شيء يعلن مخالفا للشريعة الإسلامية فإنه يجب إنكاره. Donc si les kuffars viennent en pays d'islam et font apparaître ceux qui s'opposent à la charia, alors faut les réprimander. Il faut leur dire de cesser. D'accord ? Toute chose qui s'oppose à l'islam, il faut la réprimander. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit « Man ra minkum munkara falyughayyir biyadihi » Celui qui voit d'entre vous un mal, il le change par sa main. Et ensuite, par sa langue, et ensuite par son cœur. Donc il a bien dit « Munkaran » Là, c'est un « nakira » indéfini dans une phrase conditionnelle « fisiyat fi siyak al-shart » Ça veut dire « tout mal ». Et il dit « man ra minkum », c'est-à-dire toute personne, quiconque parmi vous. Après, chacun selon ses capacités. ولهذا ذكر أهل العلم في أحكام أهل الذمة أنهم يمنعون من إظهار الخمر والخنزير وما أشبه ذلك مما هو حل ومحرم على المسلمين. Et là, c'est pour ça que les gens de science ont parlé des règles des gens. Les ذمة sont les gens qui vivent sous la jizya chez les musulmans. D'accord. Ces gens-là, même s'ils vivent et qui sont libres de beaucoup de choses, ils ne doivent pas faire apparaître le haram qu'ils font. Comme, le porc ou l'alcool. S'ils le font dans leur demeure, entre eux, discrètement. Mais qu'ils ne le fassent pas apparaître. En fait. Dans les choses qui sont interdites aux musulmans. فالواجب الانكار على هؤلاء النساء اللاتي يخرجن على وجه يفتتن المسلمين. أو يفتن المسلمين. ويخالف الشريعة الإسلامية ولكن لا من حيث التعبد لله منهم باجتنابه لأن عبادتهم قبل أن يسلموا لا تنفعهم. Donc il a dit l'obligatoire de réprimander ces femmes-là qui sortent d'une façon qui tente les musulmans car cela leur cause une fitna aux hommes qui les voient, ces femmes-là. Et ces choses qui s'opposent à la charia. Cependant, on les réprimande non pas dans le côté dévotion à Allah, c'est-à-dire ils n'ont, comme tu le dirais, un musulman craint Allah, tu vas pas dire un kafir craint Allah par rapport à ça, car lui, s'il fait cela, cet acte ne sera pas accepté auprès d'Allah dans le sens qu'il n'aura pas de récompense. Mais on les blâme dans le fait qu'on leur dit que cela chez les musulmans ne se fait pas, car le kafir, tant qu'il est kafir, tout ce qu'il fera qui est en concordance avec l'islam ne sera pas accepté auprès d'Allah. أما قوله كما جاء في الآثار ليس بعد الكفر ذنب فهذا لا أعلمه أثرا عن المعصوم. Quant à cette parole qui dit qu'il n'y a pas après de péché après la mécréance, elle dit je ne connais pas ce hadith provenant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. والكفار مخاطبون بفروع الشريعة على القول الصحيح مخاطبون بها بمعنى أنهم يعاقبون عليها عند مخالفتهم فيها أي إذا خالفوا في فروع الشريعة الإسلامية عوقبوا على ذلك في الآخرة. Donc il a dit car les mécréants en réalité sont également concernés par le discours de la charia selon la vie authentique, car il y a une divergence, c'est-à-dire que les choses qui sont interdites aux musulmans même en dehors de l'islam en soi sont également interdites aux kuffars. Ce que nous on fait, qu'on se considère comme un péché, cela également est un péché pour eux, Yom al-Qiyama. Par exemple, l'alcool qu'ils boivent, Yom al-Qiyama, ils en tireront la punition. Le porc qu'ils mangent, également. La fornication qu'ils font, également. Les mensonges qu'ils prononcent, également. Ce qui est haram sur nous est haram sur eux. Mais eux, leur sentence, elle sera dans l'au-delà. Donc tu ne dis pas, par exemple, à un kafir, crains Allah, ne bois pas d'alcool. Là. Par contre, tu veux le dire, je te conseille de ne pas boire d'alcool, car cela te nuit à ta santé, et ceci et cela, par exemple. Tu le conseilles. D'accord? Mais sinon, lui, l'alcool qu'il boit, eh ben, le péché, il en tirera, malheureusement, subir les conséquences dans l'au-delà. Ou par exemple, le fait qu'il ne jeûne pas. Hein, le fait qu'il ne jeûne pas, il en sera interrogé. Le fait qu'il ne se fasse pas la salat. Ma salakakum fi sakar, qalu, lam yakun musallin. Qu'est-ce qui nous a dirigé vers l'enfer? Ils diront, nous étions des gens qui ne faisaient pas la salat. Cela est valable pour le muslim qui ne fait pas la salat. Enfin, plutôt ceux qui disent muslim qui ne fait pas la salat. Et également pour le kafir. Car le verset est général. Wa in kunna fi dunya, la nulzimuhum illa bil islam awwalan, thumma nulzimuhum. بما يقتديه الإسلام وهذا في غير المظهر العام الذي يجب أن يكون فيه غير خارجين عن المظهر الإسلامي. Il a dit, bien que nous en ce bas monde, nous on ne leur impose que l'islam en premier lieu. On leur dit pas fais la salat, fais le siyam, fais le hajj, paye la zakat. Là, car ça n'a pas accepté d'eux auprès d'Allah. Nous on les appelle à l'islam. Mais le fait qu'ils ne le fassent pas, ils ne seront pas excusés yom al-qiyam. Ça sert à quoi de dire un kafir fait la salat? Cette salat, elle n'est pas acceptée tant qu'il n'est pas musulman. Donc on lui dit quoi? Aslim, awalan. Convertis-toi à l'islam. Et ensuite, on lui dit faire la salat. Car même les messagers, auparavant, blâmaient leur peuple. L'autre, il a blâmé son peuple pour l'acte de sodomie qu'il faisait. Et c'était pas des musulmans. Il les a blâmés pour cela. Mathalan, Shu'aib a blâmé son peuple qui trichait dans la pesée. Lors du commerce, ou qui semait le désordre sur terre. Il les a blâmés pour cela. Il leur a pas dit d'abord, convertissez-vous et ensuite arrêtez. Il leur a dit, même ce que vous faites, c'est un mal. Donc il y a des choses que les koufars font, c'est un mal apparent. Demain, un kafir, il va voler. De dire, non, c'est un kafir, lui, s'il vole, c'est pas grave. Même dans leur loi, c'est interdit. C'est interdit. Maintenant, c'est vrai que dans un pays de koufre, ça sera difficile. Des choses qui sont, par exemple, dire un kafir de pas boire d'alcool, tu pourras pas. Car à la base, c'est une chose qui est chez eux, qui est permise dans leur loi. Mais toi, conseille-le, par exemple, par rapport à sa santé, par rapport à sa raison. Mathalan. Il y a des choses qui ne sera pas possible de pouvoir réprimander. Naam. Dans leur pays à eux. Dans le pays d'islam, non. Le pays d'islam, il faut leur dire. Clairement. Et leur faire comprendre, ici, t'es pas chez toi. T'es chez les musulmans. Et chez nous, ce genre de choses, c'est interdit. Et cela s'oppose à nos mœurs et autres. Donc ne le fais pas. Fais-le chez toi, caché. Mais devant nous, ne le fait pas. Hada. Non. Hada l'a dit à Khanda, l'Yum, Yadal Souel. Alhamdulillah.